droit de vivre. Arrêtez ces massacres, arrêtez ces violences, arrêtez ces malheurs, arrêtez ces désastres, arrêtez ces massacres, arrêtez ces violences, arrêtez ces malheurs, arrêtez ces désastres, arrêtez ces massacres, arrêtez ces violences, arrêtez ces malheurs, arrêtez ces désastres, arrêtez ces massacres, arrêtez ces violences. Réconcilions-nous, oh, entendons-nous, oh, réconcilions-nous. Regardez ces enfants déshérités, regardez ces enfants orphelins, ils n'ont pas demandé à venir. Alors pourquoi les faire souffrir? Alors pourquoi leur faire tant de mal? Ils ont le droit de grandir, le droit de vivre, le droit d'exister. Ils ont le droit de grandir, le droit de vivre, le droit d'exister. À quand l'amour? À quand la paix? La joie de vivre. À quand l'amour? À quand la paix? À quand la liberté? La joie de vivre. Il faut faire régner la paix. Il faut faire régner la paix.